Bienvenue dans la suite. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Et vous pensez qu'on peut vraiment enseigner ça à l'école? Je sais qu'on peut. Il y a des écoles qui commencent à le faire, et les résultats sont remarquables. Quel genre de résultats? Les élèves osent plus, ils prennent plus de risques, ils posent plus de questions, ils progressent plus vite. Parce qu'ils n'ont plus peur de la rétroaction? Voilà. La rétroaction devient un outil pour apprendre, pas une arme qui peut vous blesser. C'est beau comme vision. Alors, par où on commence concrètement dans une classe? On commence par le langage. Les mots qu'on utilise quand on donne une rétroaction, c'est crucial. Comment ça? Si on dit « tu t'es trompé », »,« tu n'es pas bonne en français », l'enfant pense que c'est définitif. Si on dit « tu n'as pas encore maîtrisé ce concept », mais voilà comment on peut progresser, c'est un message d'espoir. Le mot « encore », c'est important? C'est un mot magique, oui. Et dites à l'enfant que c'est un processus, pas un jugement final. Et pour les plus jeunes, en maternelle, on fait comment? On valorise l'effort. On dit « bravo, tu as vraiment essayé, tu es allé jusqu'au bout. Pas juste « bravo, tu es intelligent ». Pourquoi cette différence? Parce que si on valorise l'intelligence innée, l'enfant va penser que c'est définitif. Alors que valoriser l'effort, ça dit à l'enfant que s'il s'applique, il peut progresser. Et ça change quoi après? Ça change tout. Un enfant qui croit que l'effort paye va beaucoup moins craindre la rétroaction. Il va la chercher même. Chercher la rétroaction? Vous pensez vraiment que c'est possible? Oui, s'il vous plaît. J'ai vu des classes où les élèves demandent des retours parce qu'ils veulent vraiment s'améliorer. C'est l'objectif, alors, que les élèves demandent de la rétroaction? C'est un objectif, parce que quand tu cherches la rétroaction, tu l'utilises mieux. Tu es actif dans le processus. Et ça nourrit l'esprit critique? Complètement. Tu te poses des questions, tu cherches des réponses, tu acceptes d'être corrigé. C'est l'esprit critique en action. Comment on pourrait évaluer si un enfant a développé cette littératie à la rétroaction? On pourrait observer s'il pose des questions quand il reçoit un commentaire, s'il essaie vraiment de comprendre ce qu'on lui dit, s'il ne se décourage pas à la première correction. C'est un processus long, j'imagine? Très long. On parle d'années, mais ça commence dès la maternelle et ça se construit progressivement jusqu'au secondaire. Et à chaque étape, on ajoute quelque chose? Oui, à l'école fondamentale, on pose les bases, les dispositions. Au secondaire, on peut travailler des compétences plus sophistiquées. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est une vision vraiment intéressante de l'école. Merci de m'avoir donné la parole. C'est un sujet qui mérite vraiment d'être discuté davantage.